mettre un bout ça. Cette partie là, voilà. Ouais. Ah, merci. Attends. Ah, mais. Ah non, mais pas tout ça. Tout ça, c'est après, j'ai voulu. Il a fait tomber la guitare. Bilos, tu peux pas mettre la partie la deuxième partie du morceau. T'arrives à le faire avec ton truc là. cerveau il cogite pas. Comment on fait pour faire tidoulou didoulou didoulou? Eh les profs, comment on fait pour faire tidoulou didoulou? D'abord, vous jouez ça sur quelle corde, quelle carte? C'est vachement aigu ça. Eh hey, chef, dites chef, on a perdu Petit Vier. Dites chef, on a perdu Petit Vier. Et c'est où ça? Ah merci pour les accords. Ouais, mais oui c'est. C'est où ça? Faites quoi? Ouais, mais c'est du tapping, je sais pas quoi là, non? Faire des arpèges, ça veut dire quoi sur les deux cordes aiguës? Des arpèges. C'est des petits doigts que vous avez, ou moi j'ai des gros doigts de paysan, hein. Qui appuie sur deux cases, non? Moi, ça va mieux quand c'est le son. Plus de place en bas. Beaucoup plus de place pour moi en bas. Mais c'est fou. Non? Ensuite 19, 13, 15. putain le blaireau. Sur Mi, alors E c'est l'accord de Mi, 17, 13. Complètement paumé, putain. C'est vrai qu'un prof, si tu l'as pas en face, c'est dur. Pour vous, c'est facile, hein. Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Fin du cours, le mec, il pète les plombs. Merci pour le cours, c'est gentil en tout cas. Oui, mais bon, c'est vrai, c'est chiant pour ceux qui écoutent, mais c'est bien pour nous parce qu'ils nous l'apprend. Alors, si les gens qui écoutent, on est vraiment désolé, mais on est dans un cours de guitare où vous venez vous apprendre. On est en guitare avec le prof. Et après, on aura droit à un petit. Non, mais moi j'ai compris en tout cas. J'ai mis longtemps à comprendre. Un peu la batterie, non ? On remet la batterie ? Oh, mais ça s'est décalé. We'll be right back. décalé cette batterie, c'est pas stable. Batterie là. Attends. Elle est calée ou quoi cette batterie là? We'll be right back. une simulation de Thunder Twin. De réverb sur le truc. Hein. J'ai appris un morceau. Alors là, c'est le morceau qui tue, hein, vous allez voir. J'ai appris tout seul. Un son de thrash metal avec du chorus. Thrash metal mon cul. Thank you. travailler les harmoniques. Écoutez. Toi, Philippe, tu m'as pris. En fait, quand vous voulez. Alors que moi, ça, c'est quand ça se passe. Je vais vous parler. C'est comment ça se passe. Allez, je vais essayer de te suivre, Philippe. Oh non ! Ah, il nous l'a remis ! Ah, j'aurais pas dû faire ça. Attends, on part à 1, et je sais pas combien de mesures. On essaye d'à 1 pour voir. On part ensemble. On n'arrivera pas. Par un. On essaie de partir à 1 et on compte de mesure. Allô. Par 1, Milos, toi. Attends. Oh, je m'entends même pas. T'as raison. Non. Attends. Ah, on va repart à 1, Milos. Que le refrain, repart à 1. On va voir si t'es pas trompé, mais je crois que t'as peut-être raison de voir. Je vais me tromper. Barbara, hein. 48. Bon, on y va sur 48 alors. Allez, je le fais parce qu'après je vais manger. J'aimerais bien le faire. Allez, Mike! Merde, il est parti, Mike? Il est où, Mike? Ah oui, il est là, je te voyais pas, pardon. Allez, Mike, on y va. Moi, je fais plein de fausses notes, tant pis, hein. We'll be right back. Pour les manger.